J'ai eu une malencontreuse aventure dans ce monoprix. Une fois, j'avais une demi-heure de battement, j'attendais ma fille. Je me suis dit, tiens, je vais faire des courses. Alors, c'est un monoprix avec plein de produits un peu de luxe, des choses un petit peu rares. J'ai bien pris mon temps pour faire des petites choses qu'il n'y a pas habituellement à mes. Et j'arrive à la caisse.